spéciale dédicace à Daniel Marcoux, qui à chaque semaine place dans notre ordinateur CKRLien l'émission Errance canadienne. Merci l'artiste. Aujourd'hui, le 27 novembre, lundi 27 novembre 2017, monte le volume et hume la différence, oui. Allez, hume la différence, c'est parti mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Chez moi! Vous avez reçu des petits postillons? Chez moi! Comment ça va? Première émission de la semaine, le lundi, c'est excitant! Là, je me motive moi-même, là. Parce que si les gens me connaissent un peu, ils savent très bien que j'haïs, je l'ai dit la semaine dernière, j'haïs les lundis! Depuis mon enfance, depuis que je vais à la petite école, comme disent les vieux. La petite école, moi je suis allé à la petite école classique, mais la petite école c'est pas classique, tu vas à la petite école traditionnelle, puis après ça, ça devient classique. Parce que tu gradues, tu montes, t'essayes d'évoluer. Élever, c'est monter. Comme le disait Jean-Pierre. Un peu plus long, un peu plus loin, je veux réussir mes études. Là, il n'y a pas de rimettes. Quoique j'ai des rimettes qui coulent sur les... Eh ben oui, Régent Ducharme est mort il y a quelques mois. J'en ai même pas parlé à mon émission. Pourquoi? Trop d'émotions. Une racine québécoise nous a quittés. Les bons débarras. On nomme toujours la vallée des avalés. Les chansons qu'il a fait pour Robert Charlebois. Monsieur Ducharme, salut. Sinon, ah oui, la semaine, il faut que je vous raconte encore une anecdote. Il faut que je vous raconte encore une anecdote. Ça s'est passé il y a quelques semaines. Puis là, pour en arriver à vous faire comprendre ce que j'ai vécu moi, je dois, bien sûr, amener la préface. Je dois vous envelopper un peu, non pas de fausseté, mais je dois vous dire ce qui s'est passé pour que j'en arrive là. Alors, les gens qui me connaissent, depuis, je crois, ça fait 12-13 ans que je suis Errance Rénadienne, 11 ans, 12 ans, 13 ans, peu importe. Je suis pas vraiment un garçon qui aime la télévision. Bien au contraire. Pour moi, la radio m'anime davantage, m'intéresse, puisque ça fait fonctionner en moi beaucoup d'imaginaire. Contrairement à la télé, comme je le radote tout le temps, Godard disait que la télévision créait l'oubli. On n'est pas loin de ça, là. Puis de plus en plus, là, il y a tellement de chaînes. Et chez moi, je suis câblé. Mais j'écoute des chaînes audio, c'est bizarre, qui s'appellent une chaîne là, où on diffuse plusieurs styles là, dans des créneaux différents, Stingway, pour faire une publicité. Mais j'ai pas le choix, c'est Stingway. Mais j'ai le choix de vous le dire, mais si je vous le cache, vous allez chercher et vous ne suivrez pas mon histoire. Bon. Donc, je l'ai juste nommé deux fois, peut-être trois. Raymond, combien de fois j'ai Bon. Et ma chaîne préférée, c'est 513. Écoutez 513 si vous êtes branché sur Vidéo Cochon. Est-ce que c'est Vidéo Cochon? Il n'y a pas de film osé là-dedans. Non, c'est juste une anal. Quoi que c'est pas cochon, une anal. Une analogie. OK. Et pour vous dire que, avant de passer au 513, mes doigts ont fourcheté. Donc, j'ai mal composé, j'ai mal entré sur le digicode, le code 513. Et là, je me suis trouvé sur, je sais pas quoi, mais de l'infopub. Ben, je sais quoi, c'est de l'infopub, mais en anglais. Là, je trouvais ça intéressant, ce que je voyais, là. Puis, ce qui me dérange, c'est quand je me fais avoir. Ce que je vois m'intéresse et ce que je reçois est-il semblable? Alors là, je vais vous dire un peu le gadget. C'est un poisson volant. Bon, ça semble étrange et c'est pour ça que ça m'intéresse. Donc, oui, volant. Puis il n'y a rien d'inclus pour... Oh oui, ça vole, man, ça vole. Non. Il vole vraiment. Puis là, je me disais peut-être que ça demande de l'hélium. Pas fou, le gars. Non, mais il a l'air, là. Quand tu vois ce bonhomme-là traverser la rue, tu dis, il s'est échappé d'une maison de repos, là. C'est pas normal qu'on laisse ça de même, là, à la vue de tout le monde, cet hurlu-berlu. Avec la coupe de cheveux qu'il a, c'est pas naturel. Il n'y a rien de naturel chez lui, là. Puis donc, j'arrive devant cette annonce-là, pile poil, là. Je me trompe de chaîne, et je vois un poisson volant. C'est intéressant. Mais là, le prix, comme on disait, 35$, mais c'est télécommande. On peut télécommander, là, le poisson. Il y avait deux sortes de poissons. Il y avait le poisson clown et il y avait le poisson requin. Moi, le poisson requin m'intéressait moins parce que le poisson clown fait passer à un poisson rouge, puis il vole. Oh! Je vais voir sur les internets parce que je suis professionnel des internets, moi. Je ne veux pas non plus vous endormir, là. C'est la première de la semaine, hein. C'est lundi, il faut commencer relax. Mais, donc, on me présente la boîte à la télévision, à la Télévicon, et je rallie ça sur Internet, donc je vérifie des sites, bon, sur eBay, mais je trouve la même chose, à la moitié du prix. $15.99, transport gratuit. C'est ça qu'il me fallait. Je commande, ça m'intéresse, je suis très heureux. Enfin, pourquoi je voulais acheter ça? De un, parce que j'aime ça me faire voler des trucs, là, tu sais, des télécommandes, puis j'ai un hélicoptère, là, puis... Mais c'est juste à l'intérieur, j'ai déjà sorti à l'extérieur, puis pff, il s'appelle, comment il s'appelle, donc, Rain Man, donc ça c'était un film avec Dustin Bosman, Dustin, en tout cas, celui qui joue l'excellent film Hey, Mr. Robinson, le lauréat. Le lauréat. Avez-vous déjà vu ça dans les années 70? Revisitez ce film si vous ne l'avez jamais vu. L'intérêt, les intérêts sont multiples, mais le premier, c'est que c'était l'avenue, bien sûr, dans les années 70. On essayait de tourner pour faire comme si on était à la télévision. Et c'est vrai, c'est pas inventé. Les plans de caméra étaient des gros plans. On évitait les grands angles, OK, pour créer quand même l'intimité, comme si vous étiez devant votre écran de télé. Donc, on voit Dustin Hoffman très jeune avec Crawford, en tout cas, Annie Crawford, et elle est sublime. Elle joue la dame de 45, lui, le gars de 18-19. Réjouissant. Alors, pourquoi je parlais de ça, donc? De 50, 70, 80, 90, 100, 110. Ben, j'ai pas payé ça, 110. Mais bon, le poisson volant, en tout cas, bref. J'arrive, je reçois, presque un mois plus tard, mon poisson volant. C'est dans une boîte. Et là, ils avaient mis des appliqués, ils avaient rajouté, OK, une mention. Mon poisson volant ne pouvait ne pas voler, ça dépendait des jours. Tu sais, lui, tu le fais, tu le plains, tu le montes, parce que là, quand ça t'arrive, là, je lis ici ma boîte, là. C'est plein de tissus plastiques et ça a tout l'air très, très, très, très fragile. Et, mais ce qui m'a titillé, ce qui m'a mis en rogne, c'est que ne peut ne pas voler. Ça s'appelle un poisson clown volant. Puis là, pour en arriver à l'indiquer, c'est qu'il y a des gens qui ont appelé à télévision, à la Télévicon, ou en tout cas à la compagnie. Je peux te dire, on va te dire le nom de la compagnie. Oh, non, non. Et je veux pas payer des avocats pour ça. Donc, j'étais déçu. Avant même de monter mon clown, mon poisson clown, j'étais un peu déçu. Puis là, pourquoi je voulais l'acheter? C'est parce que j'aime conduire, comme je vous disais, des avions. Puis je découle. Ça n'a pas l'air que je découle de même, hein? Non, mais quand vous m'écoutez, vous dites, ouais. Oui, c'est pas une voix qui découle, là, c'est une voix qui roucoule. Ah oui, on sent même le petit, oui, le trémolo de, comment il s'appelle, Charles Trenet. La mer, on sent le petit Charles Trenet qui sommeille en lui, hein? Madame, pas vrai. J'ai tout, ma fin de semaine, oui, je devrais plus, hein. Pas de comparaison. Bon, OK. Mais c'est mon point de vue, madame. Je peux donner mes points de vue, mon point de vue. Mais moi, j'en ai juste un point de vue. Là. Actuellement, j'ai un point de vue. Parce que je suis unique à un endroit précis. Mais si je me promène, après coup, je peux vous donner mes points de vue. Mais si on parle au présent, c'est mon point de vue actuel. Comprenez-vous un peu, là? Ça commence à tourner. Vous voyez flou. Tout va bien, restez de même, je vous aime de même. Le flou m'intéresse, moi. Moi, quand c'est clair, là, ça, c'est pas autrement. Tu peux pas aller plus loin, ça bloque. Comment tu peux extrapoler quand c'est ça, c'est pas autrement? Quand on dit, écoute, tu fais une toile. Tu rajoutes du bleu, du jaune, tu mélanges le jaune et le bleu, et ça peut donner, ça dépendant de l'intensité de la couleur que tu mets sur ton pinceau, ça peut donner autre chose. Oh, là on appelle ça de la création, et là on appelle ça de l'intelligence parce qu'on va plus loin. On fait travailler le cerveau. Travaille-t-il beaucoup trop notre cerveau ou ne travaille pas-t-il assez? La question est lancée, rénalquebec@commercialhotmail.com. Envoyez-moi des courriels depuis que j'ai changé. Le moi non plus, ce n'est pas sans air. Ah, je sais, quand j'étais dans le contenant, mais j'ai changé de créneau, moi. Crée-moi et crée-moi pas, j'ai changé de créneau. On m'a fait changer de créneau, on m'a placé à le lundi. Respect. Hein? Comme un rapper, respect. Je suis lundi. Avant, j'étais le vendredi. Vendredi, c'était le festif, là. Hein, les gens se préparaient à aller danser, puis là, ils arrivaient, on va écouter danser, ouais, on va se mettre dans le bain, là, puis ou sous la douche, là. Non, mais dans le bain, c'est une expression, monsieur, qui veut dire se préparer à... Se préparer à quoi? Ben, dépendant, là. Je peux pas non plus donner tous les exemples qui peuvent se rattacher à ça, mais... C'est ça. Donc, mon poisson volant. On va revenir à mon poisson volant. Puis, pour ceux qui se disent, « Oh, mais c'est un objet volant non identifié. » Ben oui, il est identifié. Alors, dis-moi donc ça. C'est un objet volant non identifié. C'est qui? Vous nommez que... Avez-vous un nom? Non. Oui, ben oui. Je fais partie de l'insignifiance populaire. Ouais. Et puis, je m'exprime assez souvent. Que de plus en plus, il y a tellement d'insignifiants qui disent des choses qui se rapprochent très loin de la réalité ou d'une réalité ou de ma réalité qu'on peut dire que c'est presque majoritairement des gens comme ça que j'entends. Mon poisson volant que j'ai payé, là, puis que j'ai vu la boîte en anglais. C'est en anglais, la boîte. La boîte est en anglais. Une boîte en français, c'est pas une boîte en anglais, là. Et je comprends pas, mec. En anglais. Enlève le i, anglais. Jean-Luc Anglade ou Jean-Luc Anglade? Anglade? Bon, anglais. Anglais, Anglade. Jean-Luc Anglade, anglais. Eh, monsieur, ça dure-tu 2 heures de même? Non, on n'essaye pas. Non, on place de la musique. Parce que tout le monde sait que la musique adoucit les mœurs. Oui, c'est vrai. Je ne peux pas dire le contraire. Donc, si elle adoucit des mœurs, adoucis-l'on-la, la lunette, adoucis-l'on-la, la lunette. Parce que je veux le prononcer. C'est rare que j'annonce les groupes et les chansons, mais là, je trouve ça intéressant, surtout le concept de l'album, la photo. Alors, je dois dire le titre du groupe, le nom du groupe. Mon anglais est épouvantable. Donc, on m'a dit, c'est une langue projetée, l'anglais. Hein. Tu tires la langue pour dire T-H-E. Hein. Là, je sais pas si tu rentres ou sortir de la langue tout le temps. C'est ça le problème, là. Est-ce que je deviens un handicapé ou un handicapé? comprenais pas. C'est. Hein, quand même, déjà là. C'est. Afghan Wigs. Je répète pas. Difficile l'anglais. T'as un pronunciation, on dirait que t'as deux, trois patates chaudes. Ça peut pas rentrer dans ma tête. Aucune langue à part le français, puis encore là, je la maîtrise même pas. C'est elle qui maîtrise tout mon environnement, me maîtrise, et je ne peux même pas mettre la main sur aucune des entités, aucune des structures, aucune des moments de l'existence. C'est tout ce qui se passe qui me contrôle. Moi, je suis là comme un pion. T'sais, non, vous savez, les jeux vidéo, là, tu te promènes partout. C'est pas toi qui décides. C'est la personne qui contrôle. C'est lui qui. Ouais. Ça ressemble à ça, un joueur compulsif. Ça fait peur un peu, hein? Surtout que les yeux hagards, la petite bave, là, et la couche. Moi, c'est la couche qui me... La couche d'innocence, là, en dessous des fesses. Il y a des joueurs qui se mettent des couches pour pas aller aux toilettes. T'es écœurant, t'es épouvantable. Qu'on se le dise. On va-tu jouer au poker, chérie? Ben, ça dépend. Si tu mets ta couche, non. Ben voyons donc, on risque de gagner gros. Ah non, je risque de sentir gros. je risque de sentir le gros. Le gros de toi. Tu me traites de gros? Ben là, avec ta couche, là, ça pend. Puis tu prends toujours 15 livres. Tu sais que tu vas en faire plus. Tu viens de manger de la soupe au pois, Trita Biblo, qui t'a le préparé avec amour. Puis tu sais que quand t'as mis de l'amour, c'est un laxatif dans ton cas, hein? Ben oui, moi, l'amour, ça me fait purgiter de partout. Ben oui, fait que non, on n'y va pas jouer au poker. Hey! Puis en plus, je suis obligé de te placer dans un fauteuil roulant, là, pour pas que tu puisses te lever, histoire que ça... Hein? Bon, non, je peux pas faire ça. Mais voyons, non, chérie, c'est pour le meilleur et pour le pire, notre mariage. Ben oui, mais c'est plus un mariage, ça, là. C'est rendu une comédie à Adélarté. Adélarté, je connais pas Adélarté. Non, Adélarté. Ça vient de l'italien. Je sais pas pourquoi j'ai... Quand on fréquente quelqu'un avant de se marier ou avant de dire « oui, je le veux », pourquoi ne pas regarder son profil intellectuel? C'est important de savoir avec quel moron on va placer notre vie, une vie entière. Faut avoir quelques essais. Non, des amis croches. T'as juste des amis croches, toi. Ils font partie des groupes organisés. On les connaît, mais ils sont tellement organisés. C'est son tricoté serré, hein? Essaye de dénouer l'impasse, incapable. Les mailles, là, sont barrées comme des dents barrées. Fais-toi arracher une dent barrée, tu vas voir qu'il y a une quinzaine de qui vont suivre. Dentiste, je suis allé vous voir. Encore là, Elvis Presley, en tout cas. Je suis allé vous voir pour me faire arracher une dent. Comment ça, j'en ai 13, là, en haut, qui sont partis. Je vais vous expliquer, vous... Vous aviez, sans me le dire, là, j'ai fait des radios. Moi, je fais de la radio aussi, moi, c'est cohérent, mais pas avec des dents de même. Non. Vous êtes rigolo, vous, hein? Mais là, je rigole pas. Quoique, c'est ma bouche qui rigole. J'ai mis une rigole, une petite paille pour. Sinon, ça coule sur mon beau veston. Puis en plus, j'ai acheté ça, c'est cohérent, j'ai fait ça sur mesure, moi, là. Moi, ma démesure m'amène à plein d'achats inusités comme des poissons volants. Ça, c'est une autre, hein? Avant la chanson, hein, le poisson volant, l'avez-vous suivi? Non. Non, et de la misère à syntoniser ma radio parce que je l'ai acheté récemment. Puis ils m'ont dit, faites-vous-en pas, Madame Thibodeau, faites-vous-en pas. Moi, quand on me dit, faites-vous-en pas, je m'en fais davantage parce que je me dis, il y a peut-être une petite astuce là, qui va me faire regretter d'avoir acheté ce produit-là. C'est que... Moi, je sais pas ce que ça veut dire, là, mais ma radio, moi, j'avais comme une pinouche, tu sais, un bouton, tu sais, un bouton, c'est plus facile qu'une pinouche, hein. Une pinouche, là, tu sais, ma petite pinouche, je te ferai pas mal à soir. Non, ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est un personnage d'homme qui dirait ça. Mais moi, je suis un personnage de femme actuellement. Donc, oui, je suis un personnage de femme. Cette voix-là, là, c'est une voix de, disons, de femme. Ça ressemble presque, hein. On est dérouté, hein. On est comme sur la route 66. On est totalement dérouté. Pourquoi on emprunte la 66? Parce qu'on sait pas ce qui va se passer. Toute la légende est là-dessus, hein? Tu roules sur une légende. Wouh! C'est bien plus intéressant que le désert du Sahara, ça. Parce que le désert du Sahara, bon, on dit, ouais, il y a des apparitions parce que vous avez plus d'eau, puis là, tu vas avoir des verres d'eau qui vont apparaître, tu vas avoir du champagne, tu vas avoir la veuve Clicquot qui va essayer de te marier. Et te marier avec la veuve Clicquot, c'est une bonne idée, ça. Pas fou, ça, là, là. Tu sais, quand tu commences à prendre du galon, là, pis que t'es pas branché, là, tu sais, tu t'es pas marié, là, pis t'es comme libre, pas libertaire, mais t'as été libertaire pendant plusieurs années. Maintenant, t'es libre, là, tu sais, t'as lâché tes petites partouzes, puis tu veux quand même un, là, ça serait bien un ou un, deux, maximum un 7. Un 7 carré, allez, Madame Tremblay, un 7, êtes-vous prête? Êtes-vous de bonne humeur? De un, êtes-vous de bonne humeur? Elle n'a jamais de bonne humeur, elle. Moi, je l'ai vu d'une fois de bonne humeur, là, c'était une grave erreur de sa part. Parce qu'elle avait coincé, tu sais. Quand elle a la molaire qui bloque, on dirait qu'elle sourit, c'est un petit rictus. Puis là, je dis, voyons donc, vous souriez pas? Ah non, j'ai un mal. Ah, OK, ah, ben là, ça me surprend pas. Fait qu'elle a le rille. Le rille, moi, j'ai mis, ça s'appelle de l'autre côté de la montagne. Il n'y a pas grand monde qui sait ce qui se passe là, hein? Là, c'est peut-être une révélation qui va arriver ce soir, là. Parce qu'on va savoir. Ah, oh, c'est long, 4 minutes. Y a-t-il un rille qui dérille? Ouais, le rille de l'araignée. Ça n'existe pas. Bon. On va mettre le rille. Ah, le rille de l'aveugle. Le rang de la déchirure. Connaissez-vous ça, le rang de la déchirure? Bon, avant ça, c'était le rang classique, mais c'est parce que l'autre avait sa canne d'aveugle. Puis comme c'était l'hiver, elle avait mis un bout pointu pour casser la glace ou pour prendre une emprise sur la glace, histoire de ne pas glisser. Et puis là, le drame est arrivé. Parce qu'elle montait un rang. Ça, c'est Gaétan Boivin. Elle montait un rang avec son pic. Elle a déchiré. Et là, ça a été un drame pendant toute sa vie. Elle s'en est presque jamais remis. Elle a déchiré un rang. Elle n'a pas juste une rue, là. Un rang au complet. Puis là, ben, ça a excité quelques musiciens et ça a donné ça. We'll be right back. J'ai eu des appels pendant le rêve du diable. Vous êtes toujours à CKRL en passant à Errance Rénaldienne. Moi, je suis bien relax, là. Je suis sur mon divan. Mon divan de soie. Non, c'est un divan de clous. Parce que je veux me réanimer. Tu sais, quand t'es assis sur quelque chose de trop confortable, là, t'es comme un peu vaporeux. Tandis que sur des clous, ben là, hein, faut que tu restes tout le temps en haut, même s'il est minuit 30 et 40 secondes et nous sommes lundi, il faut que tu restes en haut. Après 2 heures, ben là, tu te places où tu veux, où tu peux, puis ils viennent pas par man. Hein, comment? Ils viennent par man. Ils s'en viennent, mais voyons donc, non. C'est in vitam paperman. Donc, c'était le rêve du diable. Là, c'est ma voix naturelle. Imaginez-vous. J'ose pas trop l'utiliser parce que les gens sont trop concentrés à s'hypnotiser à mon gorgoton. Et en parlant de gorgoton, vous vendez, vous travaillez dans un magasin? Oui. Excusez-moi, c'est ma voix. Oui. Un magasin grande surface? Exactement. Et dans votre magasin grande surface, là, vous avez des exemple des navets, des patates, des choux-fleurs, des pois verts, de la viande, du poulet. Vous avez des... Oui, on a tout ça. Vous avez aussi de la litière pour chat? Oui. Alors, ma question est la suivante. J'ai peur. Oh, vous avez peur de? De votre question. Ah, ben voyons donc. Défaites votre boutonne. Enlevez la boutonne. Les boutons. Ça va bien? Oui. Et vous? Et vous? Moi, ça va un peu moins bien. Déboutonnez. J'ai ma lunette qui. À force d'avoir des haut-parleurs sur les. Ça donne mal au. En tout cas, c'est une autre histoire. Défaites votre... mettez-vous à votre aise en un mot, là. Faites-vous-en pas. Ma question est pas si... Puis sinon, ben écoutez, je m'excuse infiniment avant. Avant de vous la dire, voyons. OK, allez-y. Là, hein, la profondeur de... Tu sais plus, là, hein? Parce que je tiens mon micro dans la main. Chose à ne pas faire. Quand tu fais des personnages, là, tu te recules ou tu t'avances avec ta chaise. Ma chaise est à roulette. Mais là, en tenant mon micro, le personnage un peu... On ne sait plus, là. On est rendu. Oui, votre question, madame. Oui, ma question. Pour la litière. Oh, vous ne lâchez pas. Je ne lâche pas la litière, moi. Moi, c'est des petites garnettes. Attends, c'est des petits grains fins, hein? C'est très fin. Très, très fin. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Ça se tient ensemble. Ça s'embrasse. Ça s'embrasse. Mais ça, c'est agglomérat. C'est agglomérat. Ça ne ramasse pas le caca. Non, ça ramasse pas. En fait, ça tient dans un bloc, mais ça ramasse pas. Qu'est-ce qui ramasse? Avez-vous de la litière qui se ramasse elle-même? Tu sais, quand le Timinou s'en va dans son dépositoire, là, dans son cabinet d'aisance? OK. Oui. Aimez-vous ça? Oh, j'aime ça. J'aime ça, mais je comprends pas. Vous comprenez pas quoi? Un cabinet d'aisance? Oui. Une toilette. Quand il s'en va chercher le réconfort de ses intestins. Oh, c'est bien dit, ça. Merci beaucoup. J'ai l'air insignifiante et débonnaire. Sandrine Desbonheurs, je la connais bien. Moi, c'est une belle actrice. Elle est bonne, puis j'espère qu'elle va continuer ses grands succès. Puis je la suis à TV, puis au cinéma, puis dans ses disques. Elle n'a jamais fait d'album. Non, mais elle va en faire. Elle est tellement bonne. Moi, là, si j'ai des plants de concombre à donner, tu sais, des noms à donner à tous mes fruits et légumes, ça va être bonheur. Parce que bonheur, ça donne quelque chose de beau. Hein. C'est pas comme claustrophobe, c'est de la belle air, c'est de la Bonheur. Sandrine Bonheur, moi, c'est ma préférée. À nos amours, puis à là, moi, c'est mon préféré aussi. J'ai tout est préféré dans ce que je viens de dire là. Mais il y a la litière. Oui. On se demande qu'est-ce qui se passe. Plein d'affaires. Plein d'affaires. Mais continuez, allez-y. Oui. Oui, mais vous voulez savoir ma question? Ben, s'il vous plaît, là, ça fait quoi, 15 minutes? Non, oh non. Le temps passe vite, hein? En ma compagnie, ma douce compagnie. Aimez-vous ma robe? C'est fait avec de la litière séchée. Ça, on a séché ça dans le Saint-Laurent. Parce que, tu sais, c'est vapeur, c'est des petites graines. C'est séché. Comment? C'est quand tu sèches ça, là. C'est quoi, ça? La litière, quand tu la sèches, ça devient pâteux. Quand ça devient pâteux, c'est là que tu peux la former. Puis tout ce que je porte, là, c'est de la litière pâteuse. Oh oui, avec l'odeur incluse. Oh, oui, effectivement. C'est le fumet, un fumet déconcertant, effectivement. Alors moi, la litière que je vais me procurer dans votre magasin, mon cher monsieur. Oui, c'est en fait, c'est une épicerie, on appelle ça de... Une épicerie, oui, de banlieue. Pas de banlieue, mais de familiale, de... Comment t'as... Voyons donc. Oh, une épicerie de quartier. Bon, t'as pas... OK, le quartier, c'est quel quartier? Le quartier de Lune, le quartier... Non, non, mais le quartier, là, on habite dans un quartier. Bon, moi, j'habite chez moi. Mais mon domicile, lui... est greffé dans un cercle, et ce cercle-là, c'est un quartier. Ouais, mais un quartier, c'est pas un cercle. C'est pas circulaire, un quartier. Hé, hey, lâchez-moi ça, là. Qu'est-ce que vous voulez savoir? La litière! Oui, allez-y! Allez-y! Excusez-moi, je vais pas me fâcher, là, mais balancez-moi. Oui, OK. Si j'en mets dans un petit bocal... Oh, mais non, non, non, faut mettre ça dans une litière. Oui, mais, OK, dans le cabinet d'aisance, on va l'appeler cabinet d'aisance, puis c'est une litière. Oui. Est-ce que ça peut aussi accueillir les chats que l'on a dans la gorge? Votre question? Ben, est-ce que ça peut accueillir... Vous savez, quand on a des chats dans la gorge... voyons, j'ai des chats dans la... Est-ce qu'on peut les envoyer dans votre litière? Ça n'a rien à voir. Comment ça n'a rien à voir? Les chats dans la... Vous avez jamais de chats dans la gorge? Oui. Est-ce qu'ils vont dans la litière? Ben, ils restent dans la gorge. Oui, mais de la gorge, ils ne se déplacent pas vers la litière. Eh, monsieur. Bon, alors, on va faire jouer... Non, non, mais répondez-moi. C'est quand même une bonne question. Une bonne question. Vous écoutez trop les lignes ouvertes, vous? Hein, puis vous n'êtes pas fermé, vous devriez vous fermer et ne plus écouter les lignes ouvertes parce que tout ce qu'on dit ou la majorité des choses que l'on dit sur une ligne ouverte, c'est de l'insignifiance, surtout dans les radios commerciales. C'est épouvantable, on entend des conneries. À un moment donné, on a demandé aux gens... Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans la ville de Québec? Il y a des gens qui ont répondu non. C'est sûr que t'es pas en sécurité si toi, tu t'en vas dans un local bourré de junkies qui sont là avec leurs seringues. Puis toi, tu es en train de compter tes 100$. Là, je pense que t'es pas en sécurité. Mais normalement, si t'es une petite madame Tremblay, hein, pas une grande madame, une petite madame Tremblay, puis qui traverse la rue pour aller d'un point A à un point B, il risque de pas avoir trop de problèmes. Il risque. C'est sûr qu'il va avoir un crétin là, qui a eu une petite part de délire, qui te voit arriver et qui dit oh, la sacoche, bon, ça peut arriver. Mais c'est minime. Allez dans le Bronx, mais, allez à Berlin, allez à Budapest, allez-y. Papa loves Mambo, Mama loves Mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Papa loves Mambo, Papa loves Mambo, Mama loves Mambo, Mama loves Mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to, she goes fro, he goes fast, she goes slow, he goes left, she goes right. Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight. Papa loves Mambo, Mama loves Mambo. Having a fling again, younger than spring again, feeling that zing again, wow. Papa loves Mambo, Papa loves Mambo, Mama loves Mambo, Mama loves Mambo. Don't play the rumba and don't play the samba, 'cause Papa loves Mambo tonight. Papa loves Mambo, Mama loves Mambo. Ooh. goes to, she goes fro, he goes fast, she goes slow, he goes left, she goes right. Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight. Papa loves Mambo. Papa loves Mambo. Mama loves Mambo. Mama loves Mambo. I'm having that fling again, younger than spring again, feeling that zing again, wow. Papa loves Mambo. Mambo, Papa. Mama loves Mambo. Mambo, Mama. Don't play the rumba and don't play the samba, 'cause Papa loves the Mambo tonight. Excusez, j'ai décoché mon micro pendant que ça jouait. Je sais pas, depuis cette émission aussi, là, maintenant, j'enlève le micro de son socle. J'ai jamais fait ça. C'est du nouveau, pourquoi pas? Hein? Alors, avant d'inviter mon invité, puis avant de partir pour Paris, parce que saviez-vous qu'on s'en va à Paris? Êtes-vous prêts? Vos valises sont... On revient, là, à 2h, on revient. Pas de problème. 2h du matin, on revient à Québec. Vous allez pouvoir travailler le lendemain là, ou en soirée ou en après-midi. Vous pouvez continuer votre existence après 2 heures. On s'en va là, dans quelques minutes. Là. Embrassez pas les enfants. Embrassez pas vos amants, madame. Embrassez personne. Ils ne sauront même pas. C'est de la télétransportation. C'est de la radio qui vous amène plus loin. C'est CKRL, c'est Rance Rénaldienne, c'est les lundis de chaque semaine. À partir de minuit, c'est là que ça se passe. On vous offre des petits cadeaux comme ça. Et mon invité, je vous... Ça va? Oui. Non, c'est parce que je voulais juste dire, je vous l'amènerai. Hein? Je vous la ferai connaître dans quelques minutes. Mais avant, j'ai une autre question, là. Tu sais... Dans ma semaine, il y a plein de choses, comme chez vous aussi. Ah oh non, moi, écoutez, moi, je peux rapidement là, vous raconter un peu. Moi, le lundi, je vais travailler. Je reviens, je me prépare un repas, je me lave et je me couche. Le mardi, je m'en vais travailler. Je reviens, je me prépare un repas, je me lave, je me couche. Le mercredi, c'est comme ça jusqu'au vendredi, moi. Passe pas grand-chose. Moi, je prends l'autobus. L'autobus du show business. Non, moi, c'est pas le show business. Non, moi, c'est l'autobus tout nu. Ben, je suis habillé. J'ai essayé ça tout nu. Hey, j'avais des places partout. Avant ça, là, tout le monde, c'était comblé. Puis 2 jours plus tard, là, tout le monde savait que j'étais pas habillé. Puis, oh, c'était la liberté absolue. C'est bien d'être moche. Et puis, donc, ma question, c'est, je sais pas si c'est une question, c'est une question, mais je sais pas si c'est ma question. Ah oui, ok, je viens de la lire, là. Ça va, toi? Ça va très bien. Les enfants? Non, n'ai pas d'enfant, moi. N'ai jamais eu d'enfant. Heureusement, là, ça fait évoluer la société. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que tu aides la société. Ben non, n'ai pas d'enfant. Ben c'est ça. C'est ça? Alors, tu restes seul? Oui, mais je reste seul, simplement seul, je suis seul depuis la solitude, et je n'ai pas de... Mais monsieur? Oui? Vous êtes seul? Oui. Vous n'avez pas donné, vous n'avez pas créé des gens vivants qui sont de vos gènes? Non. Parfait, ça! Comment ça, je suis seul? Oui. Mais au moins, vivez votre authenticité. Oui. Mais là, moi, je voudrais avoir des enfants. Oui. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Ben, c'est ça, je regarde dans le journal, je sais pas lire, moi. Je regarde les pages, c'est des belles pages. Le journal, c'est beau, hein? C'est beau, un journal. Ça salit les mains, mais c'est beau. Ça sent bon, ça sent la gazette. La quoi? La gazette. Ça sent bon, la gazette? Ça sent bon, la gazette. Comment vous dites ça, vous? Gazette. Gazette, en tout cas. Et moi, je n'ai pas la gazette, je n'ai pas lire. Mais je tourne les feuilles, les pages, ça sent bon, hein? Ça sent la gazette. C'est ça, la gazette. Et puis, mais là, les photos sont belles. Avant ça, là, moi, il y a 77, là, quand j'étais couché dans la rue, dans deux sacs de poubelle avec la gazette, on voyait même pas les photos. C'était tout flou. Aujourd'hui, c'est comme Billy Jal, du minéral. Comment? C'est clair. C'est du on m'a dit que c'était numéral. Oui, vous voulez dire numérique. Numérique, c'est numérique. C'est beau numérique, ça. Mais c'est pas plus chaud, hein. C'est pas plus. Les belles photos, ça réchauffe pas plus que les vieilles photos. Hein. C'est ça qui est difficile. Là, je peux pas poser la question. J'aime bien mon personnage que je fais actuellement. Mais j'ai pas d'enfant. Oui, mais aimeriez-vous ça? Oui, j'aimerais ça, mais il faudrait pas. Pourquoi? Mais... Contentez-vous d'être heureux maintenant. Oui, contentez-vous d'être heureux. Je comprends pas, là, mais concentré. Pas concentré. Contentez-vous. Contentez. Prenez ce qui vous arrive là, actuellement et vivez heureux. Oui, heureux. Les sacs de poubelle sont plus pleins comme avant, hein? Parce que, tu sais, il y a des. Comment t'appelles ça, là? Des casiers bleus, des casiers verts, des casiers bruns. Avant, c'était des gros sacs bien chauds, là. On mettait du poulet, on pouvait manger. Maintenant, on est rentré. On doit rentrer là-dedans, puis à un moment donné, je me suis endormi, man. Je suis endormi parce que j'avais trouvé. Il y a une charrue. Non, c'est pas une charrue, c'est quelqu'un qui m'a donné une bouteille de rouge. Parce que c'était mon anniversaire. En tout cas, il savait que c'était le temps de fêter, je sais pas quoi. Donner une bouteille, mais là, j'ai bu, c'était bon. C'était du château brillant. En tout cas, j'étais devenu d'être bien intelligent. Je savais lire. Là, ça a pris 2 heures, je pouvais lire. Quand je suis réveillé, je ne savais plus lire. Mais au moins pendant 2 heures. Bon. Et puis là, je suis allé dans un bac brun. Après ça, je suis allé dans le bac bleu. Bac bleu, c'est bon. Hey, recyclage, ça recycle. Mais il n'y a pas grand-chose à manger. Là, mais ça réchauffe un peu. Fait que là, après ça, dans le verre. Mais je me suis endormi dans le verre. Puis ils m'ont ramassé, là, ils m'ont mis dans... Puis tu sais, il y a comme celui qui compresse, là, le compresseur. Le compresseur, comment t'appelles ça? Un compresseur, oui. Ah, t'es intelligent, hein? J'ai l'air de rien, mais je suis intelligent. Non, non, vous avez l'air d'un être extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Mais là, il faudrait passer à mon invité. Ah, oh, OK. Alors, je vais m'en aller? Ben oui. Pas poser la question. Non, mais parce que la question, c'est... Oh, 48, ouais, OK. Qu'est-ce que tu veux comme maladie? Tout se vend sur le marché noir. Ça, c'est vrai. Il y a 17-18 ans, durant que le sida... Pendant que le sida prenait son essor, malheureusement, 80... Ah, ça fait plus longtemps que ça. 84, 8, 9, 10, 11... Presque 30 ans, en tout cas. Quand le sida est devenu, malheureusement, un fléau, puis il y a des gens qui voulaient mettre fin à leur jour, mais d'une manière un peu... bourgeoise, entre guillemets, ils essayaient de se trouver des fioles de sang contaminées du sida. C'est vrai. Ça a commencé en Angleterre, ça s'est poursuivi à New York, et ça a été très rapide au Québec et à Québec. J'ai vu ça passer, mais vraiment, là, c'est une question de mois. Là. Ça n'a pas fait long feu. Puis on vendait n'importe quoi. Là. C'était pas vraiment du sang contaminé. Puis les gens se faisaient avoir. C'est là que... Ça... Mais aux États-Unis puis en Angleterre, c'était vrai. Au Québec, ça a commencé un peu à déchirer parce qu'on n'en trouvait pas tant que ça. Ou je sais pas. Là, ça... On voulait vendre n'importe quoi comme on continue à vendre n'importe quoi. Donc... On peut trouver sa maladie si on est compulsif puis qu'on veut, tu sais, moi, écoutez, je travaille, là, 250 jours par année, puis j'aimerais bien ça me trouver une maladie pour me ralentir, puis que, tu sais, le médecin dise, ah, ben, écoute, mon champion. Un médecin qui dit champion. Non, tapez, on va prendre un autre personnage, OK? Écoutez, monsieur. Ça, c'est bon. Écoutez, monsieur, je regarde votre dossier. Il est vierge. Mais je vois devant moi un homme épuisé. un homme qui s'est sacrifié. Et je vous ferai un papier que vous présenterez à votre employeur pour au moins 3 semaines de travail que vous n'aurez pas à subir puisque je vous offre gracieusement. Je me sens dans mon heure de gloire, là. Je vous offre 3 semaines de congé. Non payé, malheureusement, mais congé. Donc, vous allez pouvoir vivre parmi le peuple et changer votre routine. Car j'ai trouvé votre maladie, mon cher monsieur. Vous avez l'intentialose. L'intentialose. Je vais remplir votre dossier, là, puis votre petite feuille que vous allez remettre à votre employeur. Intentialose. Cialose. L-O-S-E. Alors, vous allez présenter ça. C'est quoi? C'est un regroupement ou si c'est un seul employeur? Un regroupement, ils se regroupent à chaque semaine pour dire qu'on a fait de l'argent, puis ça a bien été, puis... Oui, d'accord. Mais sinon plus, c'est une personne. C'est une personne. Je sais pas si c'est un chien, c'est une personne, ça là. Non. Oui, mais votre employeur, c'est un chien. Non, mais oh oui! Oh, vous avez un félin, comme là, c'est pas un félin, c'est un homme, là, mais c'est un chien. Non, faut pas dire ça, là. Mais moi, je vous donne 3 semaines, là. Parce que vous êtes vraiment très, très, très, très fébrile, et je sens aussi, là, le côté dépressif. Vous avez une carence au niveau alimentaire, vous mangez pas assez de papier bleu, et vous mangez, aussi, vous avez oublié de manger du soleil et des croissants de soleil pour déjeuner. Donc, pour vous, vous allez bénéficier de 3, de 7, 14, 15 jours d'aisance et amusez-vous bien. Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner, mais là, les croissants... Là, c'est fini, les personnages, on vous invite à mon émission. On se transporte à Paris dans quelques minutes, là. Hein? Les gens sont fébriles, hein? Ils ont préparé quelques valises. Hey, pas de valise, là, on s'en va jusqu'à 2 heures. Il y a 1h08, là. 1h08, puis on revient après. Pas besoin, là, on reste habillé comme ça, puis on se peigne pas les cheveux, puis on part, mais pour le plaisir. Alors, aujourd'hui, le lundi 27 novembre, 2017, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et là, j'ai dit... On va vérifier, là. Non. OK, on vous croit, OK. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de Mélissa Epaminondi. Non, je l'avais écrit pour le dire beaucoup mieux que ça. Donc, Mélissa Epaminondi. Et Mélissa Epaminondi. Alors, à partir de maintenant, voici cette belle personne. Had a few, but then again, too c'était un anard. Alice était séparatiste. Chantal avait voté libéral. Dans les années 60, on se tenait loin des moins normales. Maurice est devenu trottiste. Richard lisait du Guy Debord. Alice était indépendantiste. Chantal a revoté libéral. Des années 70, on parlait moins des moins normales. Wow! Sans calice. Richard a un condo dans le nord. Alice a travaillé pour Maurice. Chantal, ben, on vient de les lire au fédéral. Plus c'est pareil, plus ça change. Y'a rien qui compte, moins t'as mal. Wow! Maurice, c'est parti en business. Maurice, Richard est devenu pas de corps. C'est que je te connais sur Internet depuis quelques temps, depuis, tu es une fille très sensible et on le voit, par ce que tu nous proposes, ce que tu amènes comme travail. Voilà. Est-ce que tu peux me raconter un peu d'où vient ton nom? Parce que je ne veux pas l'écorcher. Alors, il vient, c'est d'origine grecque. Épaminondi. Non dit, ok. Ouais. Donc parce que je l'ai bien écrit, mais je le prononce mal. Ça vient du grec Épaminondas, okay. Ça a été italianisé. Ok. Voilà. Et tu es d'origine grecque? Mais très lointaine, mais surtout corse. Oui, c'est ça. Voilà. Mais de Corse, je ne connais qu'Ajaccio. Ah oui? Donc, moi, je suis de l'opposé, enfin, de près de Bastia. Ah oui, de l'autre côté. Ouais. Et toi, tu fais le lien souvent entre la Corse et Paris. Oui. Ton travail, c'est vraiment se situer aux deux. Oui, exactement. Et qu'est-ce qui te plaît à Paris que tu ne trouves pas en Corse et vice-versa? Ah ben alors, c'est vraiment justement le très complémentaire pour moi, parce qu'à Paris, je trouve le rapport à la culture, le rapport à l'autre, les rencontres, l'étranger, se connaître mieux soi aussi, hein, c'est... En Corse, je trouve la nature, je trouve l'isolement, voilà, enfin, c'est... Alors, c'est là que tu peux créer. C'est le... Ouais, voilà, c'est vraiment l'endroit où je peux, j'ai envie de capter des images, j'ai envie de... qui me questionne. Ouais. Et Paris, c'est plutôt l'endroit de, du travail au sens... c'est pas là où je prends des images, ouais. A priori, voilà. Mais avant tout, tu es architecte. Oui. Tu as travaillé, tu as étudié en architecture. Alors, je suis architecte et je continue de travailler en tant qu'architecte. Mais tu travailles aussi la vidéo. Voilà. Et l'intérêt de tes vidéos, c'est de susciter quelque chose. C'est jamais une vidéo qui laisse indifférent. Qu'est-ce que tu veux proposer lorsque tu filmes, lorsque tu crées en vidéo? Oui. Il y a un rapport avec l'architecture. Oui. Enfin, déjà dans la construction, mais alors ça c'est vraiment personnel, je pense pas que ça puisse se voir, mais dans la construction pour moi, d'un montage et de la façon dont je filme, en fait, moi ce qui m'intéresse c'est qu'il y ait des lignes, que le paysage dessine des lignes. Pour moi c'est de l'architecture et de la façon de monter, la structure même d'un film c'est de l'architecture. Et après je travaille sur des... Pour moi, c'est des territoires, montrer un rapport entre des frontières aussi. Mais finalement, je fais des projets, des vidéos assez différentes. La première que j'ai faite dans un contexte plus cinématographique avec une production. Avec une équipe aussi. Avec une équipe, voilà. Et il y avait une chef opératrice, un ingénieur du son, enfin une équipe formidable, des gens précis. Et là, c'était tourné justement au sud de la Corse, entre la Sardaigne et le sud de la Corse. La Védie, ça s'appelle. Et là, ça n'est que le paysage, en fait. On est du point de vue du phare des îles de la Védie. On voit au travers du filtre rouge de ce phare-là. Ouais. Et donc... là, c'est vraiment, il y a un côté, un regard vers l'intériorité de nous-mêmes, comme une expérience intérieure au travers de la nature, finalement. Le remuement de la nature vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà, c'est comme une plongée en soi-même. Ouais. Comme la nature peut se devenir, surtout la mer, c'est très expressif. Une tempête au calme, scintillant, d'été. Le côté yoga zen. Oui, intérieur et qui peut être le déchaînement. C'est ça, et c'est plus le même paysage, et c'est au même endroit, et c'est plus le même monde. Non. C'est une expression complètement opposée. Donc c'était ça au travers de ce bâtiment qui est un peu... Qui t'interpellait. Voilà. Ouais, et que tu as voulu faire parler. Que j'ai voulu faire parler, et qui m'intéressait aussi d'utiliser pour créer des mouvements de caméra. Ça me ramène à l'origine du cinéma. Oui. Donc ça commence par un 360 qui utilise le mouvement rotatif du phare. Et puis il y a un moment du film, l'acmé du film, il y a des travelling latéraux et un travelling compensé qui sont faits avec la machinerie du phare, enfin l'ancienne machinerie, la salle des machines. Et donc il y avait des poulies, donc on a fait tout ça. Et tu utilises ce qui se passe dans l'environnement pour ne pas trafiquer. Exactement. Pour rester le plus intègre possible. C'est ça, oui, tout à fait. Et ce travail-là, c'est un travail aussi de recrutement. Tu dois aller voir ce qui se passe ailleurs. Tu dois imaginer aussi le travail que tu vas effectuer sur place. Donc, il y a beaucoup de conceptualisation avant même de placer ta caméra. Tu dois savoir la façon d'utiliser tout ça. Oui. Est-ce que tu y vas souvent? Est-ce que tu repasses? Ou si tu prends des photos pour plus tard te dire, ben là, je vais mettre ma caméra là, je vais faire mon 360 comme ça, les travelling vont... Aussi, une fois sur place, tu utilises le matériel avec ce que tu as, ce que propose, comme ce que l'environnement te propose? Ben là, dans ce cas précis, j'avais fait un repérage de 3 jours. Une première fois, et j'avais déjà vu ces possibilités-là, et ensuite j'ai trouvé finalement une production, j'ai fait d'autres repérages entre-temps, et j'ai écrit vraiment une sorte de scénario. En fait, tout était très libre, mais pour moi il y avait une forme de récit, et je savais d'ores et déjà que j'allais utiliser tous ces... Et on avait déjà prévu par avance parce que ça demandait en fait une technicité particulière. Par exemple, pour faire un zoom compensé avec des poulies qui ne sont pas du tout dans l'ordre de la technicité du cinéma, voilà, alors il fallait faire à distance. Bidouiller quelque chose. Donc tout ça, il fallait l'anticiper. Puis parce qu'une fois qu'on était sur l'île, on était tout seul. On n'avait plus le moyen de repartir. C'est ça. Il n'y avait pas des hélicoptères pour venir vous aider. Ah non, voilà, ouais. C'était terminé. Si tu oubliais quelque chose, tu dois fonctionner avec ce que tu as. C'est ça. Est-ce que le travail, tu travailles plus sur ce que tu veux offrir au public ou si c'est... Est-ce que des fois, lorsque tu filmes, il y a une complexité à la technique est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Arrives-tu toujours à vouloir dire ce que tu veux à travers ce que tu proposes? Est-ce que la technique peut bloquer? Enfin, je ne vois pas comme ça en tout cas. Okay. Parce que pour moi, la technique, ça, c'est toujours plutôt un médium pour transmettre quelque chose. Oui, voilà, c'est plutôt un outil que je vais. Un prétexte pratiquement. J'aime bien jouer de ça, l'utiliser comme une forme de narration. Tout déplacement de caméra devient, en fait, veut dire quelque chose, territoire, soit du regard qu'on porte sur la nature humaine, sur le rapport à l'autre au monde. Mais l'intérêt de proposer ces films-là, est-ce que c'est aussi la réception du public vis-à-vis de ce que tu fais? Parce que toi, tu veux dire quelque chose, mais le public va comprendre peut-être autre chose. Ah, mais ça, c'est sûr. Enfin, ça, c'est vrai que je sais, j'ai quand même conscience de plus en plus que mon travail est difficile à appréhender. D'autant plus, par exemple, si on le voit sur Internet, je me demande à quel point, si on voit regarde mon site, il y a des extraits de vidéos, comment peut-on l'appréhender? C'est pas évident. Alors il faut être ouvert d'esprit. Voilà. Yeah. Alors, messieurs, dames et enfants, nous allons vous demander de créer du désordre. Nous allons hurler tous à qui mieux le plus que nous pouvons, parce que cet endroit l'accepte. Alors, au commandement, nous hurlons, grimaçons, dansons, nous jetons dans les airs. Go. Bah! Voilà. Je ne sais pas si ça vous a fait du bien, mais moi, oui. Est-ce que ça vous a fait du bien? Montagne sacrée, on déployait la panalée, la vélanchée, sans le flasque, sans point fou, pis l'âme de porc, pis revue pour se crosser, ça n'y va plus, ça n'y va pas encore. On va crever, les s'est planté dans un hangar du nord, dans une chaîne à fumier, montagne sacrée. Ça défilait du tour, ça voulait plus, trop belle, trop belle, mais trop, ça aidait dans le bout, ça voulait décoller, on se fendait le queue, dans des bars de pingouins, en dimanche, on aurait pu les défier du coin, mais on s'est saoulé, montagne sacrée. Errance Rénaldienne sur CKRL MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Trop d'obstacles sont sur ma route, je dois les contourner pour continuer ma course. Parfois je les brûle, parfois je les détruis, mais pendant ce temps la vie vieillit. J'ai besoin d'être rassuré quand j'ai rien à me reprocher. J'ai peur de demain, peur d'hier, puis je me demande comment que je vais faire pour passer l'hiver. C'est penser, passer du point A au point B sans avoir besoin de se geler. Je lâche prise, je regarde en avant, j'assume ce que je suis tout simplement. C'est soit que je marche, soit que je crève. À chaque matin, le soleil se lève. faut rentrer un petit peu dedans. C'est vrai que c'est mieux si je peux l'expliquer. En fait, ça aide beaucoup. Mais tu n'as pas expliqué si tu proposes quelque chose. C'est les autres qui vont prendre ce qu'il y a à prendre là-dedans. Expliquer, ça veut dire, OK, vous pouvez ne pas comprendre, mais je vais vous relater un peu ce que je voulais dire. Oui, ça veut dire que tu n'as pas réussi. Ah oui, là, je suis bien d'accord. Non, quand je disais ça, c'était plus... Comme c'est des projets un peu fragiles, un peu qui sont très ténus, où il n'y a presque rien, alors finalement, alors qu'au fond, il y a beaucoup, mais alors si c'est balancé comme ça au milieu de choses qui n'ont rien à voir, par exemple, ça pourrait passer complètement à côté. Il faut quand même un peu accompagner ce genre de choses, je m'en rends compte. Donc je ne fais pas, jamais quand je fais quelque chose, je ne le fais jamais en me disant je le fais pour un public particulier ou pour aussi peut-être des gens qui sont attachés à l'esthétisme cinématographique. Oui, alors... Comme dans les films des premiers temps, avant 1930, il y avait beaucoup d'expérimentation, il y avait beaucoup de recherches parce que le langage cinématographique commençait. Tout était permis. Mais aujourd'hui, avec les vidéoclips, on nous martèle, mais toi, au contraire, tu laisses l'imaginaire aller, tu laisses libre cours à la caméra, tu prends le temps à l'histoire de se relater elle-même. Donc, ce silence imagier qui est là. Donc, dans un moment ou dans une vie où tout va vite, tu es comme à l'antipode de tout ça, en disant là, on va s'arrêter, on va contempler, on va vérifier, même si c'est souvent, il y a des séquences qui sont très, très violentes, très, très frappantes. Donc, c'est les deux mélangés à ça qui donnent la fluidité au récit. Un peu comme notre humeur au quotidien. On est des fois heureux, fâché, on reçoit un coup d'appel, on peut devenir d'une humeur massacrante et deux heures plus tard, on rencontre quelqu'un et il nous fait rire. Donc l'image, c'est aussi ça. C'est beaucoup de va-et-vient, beaucoup de vagues. Oui. Et c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est une sorte de récit qui, filmique. Est-ce que... As-tu regardé beaucoup de films à une certaine époque? Oui, je continue. J'ai une curiosité insatiable pour le cinéma. Mais bien sûr que j'ai Jean Epstein marqué. Forcément, quand je suis allée faire ce film, j'étais... Alors, tu avais un clin d'œil au cuirassé de Potemkin, peut-être? Aussi, enfin, tout est... Après, tout son univers. Oui. Après, il y a plein de choses que j'ai encore à découvrir, parce que venant du champ... Alors, c'est pas... Je pourrais être... venant du champ de l'architecture... comme j'ai pas fait d'études de cinéma, il y a plein de choses de grands cinéastes que je ne connais pas encore, par exemple. Et pour moi, c'est génial. Le réalisateur que l'on parlait a inventé un montage qu'on appelle le montage roi. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il fait il est très symbolique. Hein? Exemple, un œil, une larme, un mouchoir. C'est trois plans différents, et pour lui, ça représente la tristesse. Ah, c'est magnifique. On appelle ça le montage roi. Donc, c'est les symboles qui amènent l'émotion. Ça, c'est Hans Einstein qui a amené ça. Ça, je ne savais pas, c'est magnifique. Ouais. Ah, c'est beau, ouais, c'est bien. Aujourd'hui, où on essaie de tout ramener dans des fondus enchaînés, dans des... lui, au contraire, avant même que l'on appelle cela un montage enchaîné, image sur image, lui coupait avec la réalité. C'est pour ça que le plan du carrosse dans le cuirassé était tellement... parce que tu voyais les gens en gros plan, les visages un peu... Puis là, tu voyais le carrosse plus loin dans un autre plan et c'était saccadé. Et tout ça amène une réalité, un discours narratif qui se détachait de tout ce qu'on voyait avant. Donc, il a été un peu le grand-père du montage symbolique. Oui, complètement, parce que ça joue complètement là-dessus et qui est plus organique. Oui, voilà. On laisse la chance à celui qui regarde de faire lui-même son imagerie mentale, sa compréhension de ce qu'il voit. Oui, il y a des images, oui, il y a un propos, mais en même temps, c'est à vous de décortiquer tout ça. Mmh, ouais. Et tu travailles sur l'intelligence des récepteurs, des gens qui regardent. Oui, tout à fait. Dans ce cas, oui, complètement. Est-ce que tu vois depuis le travail que tu fais actuellement, est-ce que tu sens que ça a un lien avec l'architecture? Pour moi, complètement. Plus ça va, et, enfin, plus je dirais que c'est, l'architecture est très en lien avec l'individu. Et dans l'architecture, je me pose beaucoup la question de l'homme dans l'espace, mais de du premier, l'espace primaire, l'espace presque le premier espace au sens l'espace péripersonnel, c'est celui où on a le grasping space, où on a l'espace du corps finalement où on peut attraper, qui se déploie vraiment la première enveloppe. Et dans le cinéma, c'est un petit peu pareil. En fait, j'ai envie de toucher une forme d'intimité de l'autre, mais alors intérieur, quelque chose d'intérieur, voilà, quelque chose d'intérieur, et qui peut voilà, qui est très, c'est très ouais, je sais pas comment, enfin, non, ouais, je comprends. Tu veux aller chercher l'intériorité des gens qui regarderont ton film. Oui, en tout cas, ce qui m'intéresse d'observer, et donc forcément ça ressort, c'est que l'homme l'homme, son rapport à l'univers, on peut dire, son rapport à, mais aussi au monde, psychanalytique un petit peu, voilà. Freudienne. C'est dans ce sens. Est-ce que ça te surprend lorsque les gens te rencontre après la projection, est-ce que ça te surprend, la compréhension qu'ils ont de ce que tu as voulu dire? Mais si on parle de La Vezzi, qui est le film, enfin, les autres sont plutôt des gestes de vidéo qui sont plus auto-produites. Si on parle de celui-ci, où là c'est un peu plus ample, j'étais surprise dans le bon sens, en fait, de voir combien... Oui, justement, j'étais étonnée de voir combien les gens avaient été réceptifs à ce que je voulais dire. Voilà. Ça, c'est une chose. Et l'intérêt de ce que les gens te disaient. Mais non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que lorsque tu entendais les gens te discourir de ce que tu avais proposé et que tu voyais la justesse de ce qu'ils te disaient vis-à-vis de toi, ce que tu voulais leur présenter, ça te plaisait. Tu disais, au moins, mission accomplie, j'ai pu rendre dans mes idées ce que j'ai voulu. J'ai projeté sur l'écran ce que j'avais dans la tête. Et ça, c'est compliqué dans un film. Parce que c'est bien beau avoir comme Kubrick une histoire à raconter, mais entre la réalité de ce que l'on veut dire et ce que l'on voit à l'écran, il y a beaucoup d'interventions. Hein. C'est pas nous qui prenons le son, c'est pas nous qui faisons le montage, ou très rarement. Donc, il y a beaucoup d'interventions et on peut être surpris aussi de ce que nous, du résultat. Et tu seras surpris. Et là, dans ce genre d'économie de film, comme c'est entre, c'est proche de film d'art, de l'expérimental, du coup, il y a peu d'interventions extérieures. Alors, c'est toi. C'est moi qui fais le montage. Le montage son aussi, après c'est le mixage, l'étalonnage que j'ai pas fait moi techniquement, je pouvais pas le faire, mais tout ce qui était de la construction, il n'y avait pas d'intervention extérieure. Donc, et pour moi ça c'était très important. Alors ce que tu avais comme visée sur l'écran, est-ce que c'est souvent ce que tu voyais à l'écran? Oui, enfin je l'ai. C'était vraiment quelque chose qui s'est construit, je vous disais tout à l'heure, là pour le coup, un montage plutôt organique, comme l'ADN du film. Donc tout ce c'était presque comme une évidence, comme si je devais écouter simplement le film. Être attentive, se faisant tout seul quasiment. Et aujourd'hui, depuis que tu fais, tu as fait un film en groupe, entre guillemets, un peu plus, professionnel. Oui, voilà. As-tu le goût de continuer là-dedans ou tu préfères travailler seul dans ton coin et proposer après aux spectateurs? Je continue, parce que de toute façon, je continue à faire des choses toute seule dans ton coin. Parce que de toute façon, sinon, de faire un film, d'avoir les financements, etc., c'est compliqué. Prend trop de temps. C'est compliqué. Et donc, ouais. J'ai besoin entre temps de faire des choses. De produire, je continue. Ouais. Oui, j'ai envie. J'ai envie de nouveau de faire, d'être dans un contexte comme celui-ci, mais j'ai envie de passer à une étape un cheminement. Voilà, peut-être avec quelque chose de s'approcher peut-être un peu plus du cinéma, enfin je sais pas comment le dire, mais... Classique, le cinéma que l'on connaît, narratif. Alors je sais pas si je pourrais y arriver. Excusez-moi, Toto. Excusez-moi, Toto. Excusez-moi, Toto. Excusez-moi, Toto. Excusez-moi, Doc. Bon, c'est une chanson sur un poème de Gros Domino. C'est pour les vieux décrépites dans la salle que j'ai aperçu tantôt. Alors, je vous demandais aussi un peu de compréhension, parce que c'est pas mon instrument. J'ai un peu de misère à figurer des fois comment ça se porte. Bon, OK. Non, c'est pas ça. C'est ça. I found my trail on Blueberry Hill. On Blueberry Hill, where I, you know I'd love you, babe, but you're the wrong color. Where I found you. De poudre, puis des roulés jambon, pas de moutarde. Au fond, du vagin sans fond, du vagin sans bon, du vagin sans fond, sans bon, dis-le donc. Sous-titrage Société Radio-Canada.

un indice de croissance économique. Y'a-t-il un film solo ou une annonce? Tu parles de liberté, le concept ou le plan de retraite? J'ai trouvé une façon de la Bible blanche, ça c'est moyen révolutionnaire. Es-tu une marque de bien ou bien un mode de vie? C'est-tu la télé que tu regardes ou bien c'est la vérité? Tu m'écoutes-tu ou tu fais autre chose? Je sais plus, je sais tu. Chers amis, si. Si je vous. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.